إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أولا تقربوا قليلا بارك الله فيكم عباد الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث أمته على ما فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة من العقائد الصحيحة والعبادات المباركة والأخلاق الفاضلة ونهاهم عما يضرهم في دنياهم وأخراهم أيضا ومما نهاهم عنه الكذب والمراء ومما حثه عليهم تحسين الخلق وضمن لهم إذا هم اجتنبوا ما كرهه لهم وفعلوا ما أمرهم به بأن لهم قصورا في الجنة على حسب أعمالهم وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود من حديث أبي أمامة فقوله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا أي أنا ضامن بقصر عظيم في أسفل الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وإن كان الحق معه والمراء معناه المجادلة والمخاصمة التي لا نفع وراءها ولا مصلحة فليس فيها إحقاق حق ولا إبطال باطل وإنما مقصود المماري والمجادل أن يسكت خصمه وأن تكون له الغلبة عليه ومن الحكمة في الحث على ترك المماراة أنها تضيع الوقت وتورث الضغينة وتفسد المودة وربما توقع في القول على الله بغير الحق وفي تفسير الآيات والأحاديث على غير معانيها الصحيحة أو تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما الرد على أهل البدع والأفكار الفاسدة فليس من المماراة المذمومة بل هو من الجهاد المحمود إذا قام به أهله يعني أهله هم العلماء إذا قام العلماء بالرد على أهل البدع فهذا محمود إذا بذل صاحب السنة النصيحة ونشر العلم ونصر السنة فمن قبل ذلك فهو المطلوب ومن أخذ يجادل ويلبس على نفسه وعلى الناس تركه أهل السنة وهو تضليله وتلبيسات هو وتضليله وتلبيساته وحذر الناس منه فالجادل أو الجدل نوعان مأمور به ومحمود محمود فاعله ومثاب وهو الجدل لإيضاح الحق وبيانه ورد الباطل بأدلة الكتاب والسنة. وهذا هو الذي أذن الله فيه بقوله وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وهناك جدل مذموم وهو من صفات أهل البدع والضلالات، وقبلهم من صفات أهل الكفر بالله تبارك وتعالى، وهو الجدال بالباطل لإضحاض الحق. قال الله سبحانه وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وجدل أهل البدع فيه تشبيه بالكافرين في جدلهم لإضحاض السنة لتحل محلها البدع والضلالات، وهذا شر مستطير. وفي هذا فهذا هو الجدل المذموم، سواء صدر من الكافرين أو صدر من أهل البدع، كله جريمة ولها جزاء عند الله جزاء وفاقا. فعلى المسلم أن يدع كثرة المجادلات والخصومات، سواء في مجالسه أو عبر وسائل التواصل حين لا يكون منها ثمرة ولا فائدة. فالعمر نفيس وما مضى منه لا يعود، والموفق من شغل وقته بما ينفعه في دينه أو دنياه. وقوله صلى الله عليه وسلم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، أي يضمن النبي صلى الله عليه وسلم بقصر عظيم في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان من باب المزاح. وفيه الحث على قول الصدق وتحري الصدق والابتعاد عن الكذب في كل الأحوال، ولو كان في الحالة التي يتساهل فيها الناس في الكذب وفي ذلك حين يتمازحون. وكذلك أن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. أما الخصلة الثالثة ففي الحث على محاسن الأخلاق، وقد ضمن النبي صلى الله عليه وسلم لمن حسن خلقه بقصر عظيم في أعلى الجنة، وهذا يدل على عظم شأن حسن الخلق وكبير منزلته في الجنة. درجات بعدها فوق بعض، كلما ارتفعت الدرجة كان النعيم أكبر وأفضل. تقربوا بارك الله فيكم، تقربوا. فوسط الجنة أفضل من ربضها وهي أسفلها، وأعلى الجنة أفضل من وسطها. فحسن الخلق يكون يعني مع الله بحسن عبادته، ومع الخلق بأن تبذل لهم المعروف وتكف عنهم الأذى، وتلقاهم بوجه طليق، وتعاملهم بمثل ما تحب أن يعاملوك به. فهذا رسولكم صلى الله عليه وسلم يضمن لأهل هذه الخصال بقصور عظيمة في الجنة، فأين المشمرون لها والساعون إليها والصادقون في خطبتها؟ إن الحديث يؤكد على حرص الشريعة الإسلامية على سلامة القلوب والائتلاف والمودة بين المؤمنين، كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وذلك خلال حثه على ترك المماراة، ولأنها تغير الصدور وتفسد ذات البين، وهذا من أصول أهل السنة. ويؤكد أيضا على حرص الشريعة الصدق وترك الكذب، فإذا نهت عن الكذب في حال المزح فالنهي عنه في حال الجد أولى وأكد. وإن الكذب من شعب النفاق ومن أسباب عذاب القبر ومن أسباب عذاب النار. ويؤكد الحديث أيضا على المكانة السامية التي يتبوأها حسن الخلق في الإسلام، حيث أعد الله لأهله الدرجات العلى في الجنة. والأخلاق الحسنة هي الأخلاق التي مدحها الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة، والأخلاق السيئة هي الأخلاق التي جاء ذمها في القرآن والسنة. فتعلموها وتخلقوا بها قدر الاستطاعة، وابتغوا بها ما عند الله، تنالوا بحسن الخلق خير الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteur d'Allah, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à tout ce qu'il y a de bien pour nous dans cette vie et dans l'au-delà. Parmi les bonnes croyances et les actions, les bonnes actions et les actes d'adoration et le bon comportement. Et il nous a interdit tout ce qui était mauvais pour nous et tout ce qui est nuisible dans cette vie d'ici-bas et dans l'autre. Et parmi les choses qu'il nous a interdit, il y a le mensonge et les débats et les disputes dans la religion. Et il nous a également incité à parfaire notre bon comportement et à devenir des meilleurs musulmans en s'écartant de ce qu'il déteste et en faisant ce qu'il nous ordonne. Et il nous a promis, si on appliquait cela, qu'il allait nous construire des palais dans le paradis, selon nos œuvres. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith, je garantis un palais dans le paradis pour celui qui abandonne une dispute ou une discussion, un débat, une argumentation, alors que, même s'il avait raison. C'est-à-dire, tu as raison, tu es en train de disputer avec quelqu'un, et tu laisses tomber la discussion, même si tu as raison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te garantit un palais dans le paradis si tu agis comme ça. De même que un palais dans le milieu du paradis pour celui qui abandonne le mensonge, même s'il plaisante. Et une maison dans le plus haut niveau du paradis pour celui qui a un bon comportement. Et ça, c'est rapporté selon Abi Daoud. C'est rapporté par Abu Daoud selon Abi Umama. Et donc, la première partie du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il garantit un palais immense dans le plus bas niveau du paradis pour celui qui abandonne les débats et les argumentations dans la religion, même s'il avait raison. Parce que le fait de débattre et d'argumenter et de disputer, ça ramène aucun bienfait, surtout quand c'est des choses futiles ou des questions qui sont dangereuses, ou bien des questions qui sont difficiles dans la religion, ou bien des débats avec une personne qui n'écoute pas, qui ne veut pas accepter la vérité. Et donc, c'est en réalité une perte de temps. Si ce n'est pas pour défendre la vérité et rejeter le faux, c'est une perte de temps inutile. Parce que la personne qui débat et qui argumente et qui polémique, son seule intention et son seul but, c'est de prouver qu'elle a raison et de faire taire son adversaire pour avoir le dessus sur son adversaire. Et donc, la sagesse dans le fait de nous inciter à délaisser ce genre de dispute et d'arguments, d'argumentation, c'est pour ne pas perdre notre temps et pour ne pas avoir de la haine dans le cœur qui détruit l'amour et la fraternité. Et pour éviter également de dire des choses à propos d'Allah qui sont contraires à la vérité. Et pour éviter également de dire, à propos des versets du Coran et des hadiths, des choses qui sont contraires à la vérité. Parce que lorsque quelqu'un parle sous l'effet de la colère, il dit n'importe quoi. En ce qui concerne le fait de réfuter les gens de l'innovation et de la bid'a, qui ont des idéologies qui sont corrompues et qui ont des fausses croyances, et qu'on les réfute dans ces fausses croyances et dans ces mensonges, eh bien ça fait partie du djihad fi sabilillah. Lorsque les savants le font, c'est-à-dire les savants de la religion, Tandis que les gens qui sont les gens du commun, les musulmans ordinaires, ils n'ont pas à essayer de rentrer dans ce genre de débat et essayer de réfuter les innovateurs, puisqu'ils n'ont pas le niveau nécessaire pour le faire. Et en rentrant dans ce genre de débat, ils risquent de s'égarer eux-mêmes et de tomber dans les ambiguïtés et dans les doutes que jettent les gens de l'innovation. Donc si la personne qui est sur la sunna donne le bon conseil et propage la science et défend la sunna, celui qui l'accepte, c'est ça qui est voulu. Et c'est ce qu'on essaie d'obtenir de sa part, qu'il accepte la vérité. Tandis que la personne qui veut juste argumenter, disputer, mélanger le vrai et le faux, et tromper les gens, et appeler les gens à abandonner la vérité et à les égarer, alors dans ce cas-là, il ne faut pas débattre avec lui. Il faut le laisser. Et il faut mettre les gens en garde à son sujet. Et donc, les argumentations et les discussions dans la religion sont divisées en deux catégories, celle qui est blâmable et celle qui est louable. Celle qui est louable, c'est lorsque la personne, elle débat ou elle argumente dans le but de défendre la vérité avec les preuves du Coran et de la Sunna et de réfuter le mensonge et la fausseté. Et donc, cette personne-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de débattre et d'argumenter, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset, dans le Coran, ce qui signifie, et argumente avec eux, ou discute avec eux de la meilleure façon. Et il dit dans un autre verset, il n'argumente avec les gens du livre que de la meilleure manière. Et donc, ça, c'est pour dire que ça, c'est les genres d'argumentation qui sont louables. Tandis que si c'est dans le but de défendre le mensonge et la fausseté, de débattre avec les gens du faux, ceux qui cherchent à donner mettre de l'avant le faux et de rabaisser la vérité, il ne faut pas rentrer dans les discussions avec eux et dans les débats avec eux. Ça, c'est blâmable. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, nul ne débat ou n'argumente à propos des versets d'Allah, excepté ceux qui ont mécru. Et donc, en général, c'est les caractéristiques des mécréants d'agir ainsi. Et les gens de l'innovation ont une ressemblance aux mécréants dans ce domaine, puisqu'ils cherchent à débattre pour défendre le faux et rejeter la vérité. Et ils auront ce qu'ils méritent au jour de la résurrection. Donc, malheureusement, on trouve que certains musulmans, ils rentrent dans ce genre de débat, dans ce genre de polémique, et ils débattent avec des innovateurs, avec des khawarij, avec des takfiriyin, avec des shi'a, avec des rafida, avec des gens qui ont toutes sortes d'égarements et de fausses croyances, et ils essaient de leur montrer des choses, mais ce sont des gens qui ne veulent pas accepter la vérité. Ils veulent juste essayer de perdre le temps des gens et de défendre le faux. Et des fois c'est en personne, face à face, ou des fois c'est sur Internet. Ils vont sur Facebook, ils vont sur des forums, et ils commencent à disputer, argumenter avec les gens de l'égarement et avec les gens de l'innovation. Et ils ont ni la science nécessaire et ils n'ont ni les qualificatifs et les qualités nécessaires pour le faire. Et en dernier et en finale, ils se retrouvent avec plein d'ambiguïtés et de doutes et ils ne savent pas comment répondre. Et au lieu de défendre la vérité, ils rabaissent la vérité et ils affaiblissent la vérité face aux gens de l'égarement. Donc les musulmans ne doivent pas rentrer dans ce genre de choses, ils ne doivent pas perdre leur temps dans ce genre de choses. Et si quelqu'un est sur la vérité et il veut défendre la vérité, qu'il propage les paroles des savants de l'islam, les savants de la sunna, qu'ils diffusent leurs propos, que ce soit dans leurs livres ou dans leurs audios, qu'ils propagent ça sur leur lien internet, sur leurs réseaux sociaux, qu'ils propagent ce que les savants de l'islam ont dit, au lieu de se mettre eux-mêmes de l'avant puis essayer de débattre alors qu'ils n'ont pas le niveau et la science nécessaire, et de risquer de s'égarer eux-mêmes, et aussi de rentrer dans leur page Facebook ou dans leur site internet pour aller rentrer dans leur forum puis essayer de débattre avec eux. Ça, c'est une peine perdue. Et c'est du temps gaspillé. Il ne faut jamais faire ça. Il faut aller uniquement sur les sites des gens qui sont sur la sunna et qui s'accrochent sur la sunna et qui veulent la vérité et qui propagent uniquement la vérité et qui rejettent complètement le faux. Sinon, c'est certain que c'est une porte ouverte vers l'égarement. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis un palais dans le paradis à celui qui délaisse le fait de dire des mensonges, même s'il le dit pour plaisanter. Donc, que dire de celui qui le dit pour alors qu'il est sérieux? C'est encore plus grave. Et le bon comportement, ça c'est quelque chose qui est très important aussi pour le musulman et qui pèse très lourd dans la balance au jour de la résurrection. Et le bon comportement, c'est certain que ça comprend le fait d'être bon avec les gens, d'être souriant, d'être poli et de bien agir avec eux. Mais ça, c'est juste une partie du bon comportement. Ce qui est encore plus important vis-à-vis du bon comportement et du khuluq, c'est d'avoir un bon khuluq avec Allah, subhanahu wa ta'ala, en l'adorant comme il faut. D'avoir un bon khuluq envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et envers sa sunna. Lorsque un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam te vient et qu'il est authentique, comment tu te comportes avec son hadith? Et d'avoir un bon khuluq également envers le Coran et avoir un bon khuluq envers les autres par la suite. Et donc, le bon comportement que tu auras avec les gens, ça va découler de ton bon comportement avec Allah et avec son livre et avec son messager. Mais si tu n'as pas le bon comportement avec Allah, avec son livre, avec son messager, avec sa sunna, puis que après tu essaies d'être bon avec les gens, alors ça, ce n'est pas un bon comportement réel. C'est un comportement qui est incomplet. Et il manque le plus important dedans. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين Et j'en profite en terminant aussi pour dire que on se désavoue et on condamne fortement l'attentat qui a eu lieu à Nice, et que ça ne fait pas partie de l'islam. Et que l'islam et la charia de l'islam condamnent tous ces actes de terrorisme, et on le répète à chaque fois, alhamdulillah, pour défendre la vérité. Barakallahu fikum, wa alhamdulillahi rabbil alamin.